les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Gamozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogamozo.eu. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Eh, vous êtes dans la verdure et puis sur les Vosges, c'est la ligne bleue des Vosges. Et oui, parce que dans cette émission des Vosges samedi, je vais vous emmener sur les hauteurs entre autres et notamment de la route des crêtes puis du secteur plus généralement du massif vosgien. Alors des bons plans bien entendu. Comment se déplacer dans les Vosges sans se perdre, parce qu'on ne peut pas se perdre dans les Vosges, franchement. Ça sera particulièrement difficile, même si vous ne connaissez rien au massif, si vous êtes muni des bons équipements. Alors, bien sûr, les chaussures, mais surtout aussi les cartes IGN, avec notamment la surcotation du club vosgien. Je vous en parlerai, ainsi que, dans cette période estivale, puisque cette première diffusion, c'est quelques jours avant l'été. Et oui, c'est la diffusion le samedi 16 juin que vous pouvez retrouver cette émission en podcast, en téléchargement, en parlant bien la France, sur les sites des deux radios associatives. Vous nous retrouvez dans cette émission Les Vosges samedi. Puisque cette émission est à développement durable pendant toute cette période estivale, à savoir jusqu'au 21 septembre déjà, puisque c'est les temps forts des fermes auberges de ce massif vosgien en période estivale. Alors, on va commencer. Et oui, Dominique Walter interprète notre générique de fin, que les Vosgiennes sont belles. Cette chanson, que les Vosgiennes sont belles, qui est une parodie, que la montagne est belle. Alors, ça cartonne, ça c'est clair. Alors qu'il a fait aussi plein d'autres textes et musiques très poètes. Construite et interprétée, comme il le fait au sujet de nos Vosges, de vos Vosges, de ces Vosges, les Vosges, Dominique Walter. C'est la valse du temps qui rend l'herbe si verte quand arrive le printemps sur les vallées ouvertes. Ne freinez pas l'envie de courir les chemins où la nature repose. Les couleurs une à une viennent égayer la terre, se reflètent dans l'eau des lacs et des rivières. Ce pays en osmose, c'est les Vosges. Et la montagne est là, arrondie par les siècles, les dieux l'ont trop aimée et bien usée. Peut-être d'autres sont morts pour elle, comme une femme trop belle, jalousée de querelles. C'est la valse du temps qui fait pousser les fleurs sous le soleil qui danse tout l'été dans les cœurs. Des milliers d'amoureux viennent de tous les pays pour vivre quelque chose. Et les hommes dans les champs recueillent le fruit de la terre jusqu'à la fin du jour dans la douce lumière. Sous le ciel rouge et rose, c'est les Vosges. Et la montagne est là, arrondie par les siècles, les dieux l'ont trop aimée et bien usée. Peut-être d'autres sont morts pour elle, comme une femme trop belle, jalousée de querelles. C'est la valse du temps qui parfois est cruelle. Elle enlève la vie en la rendant plus belle. C'est la dernière fête avant le grand sommeil. Il faut prendre la pause. De partout à la fois se réveillent les couleurs. L'automne rougit, jaunit. Mais l'automne se meurt. Ce spectacle grandiose, c'est les Vosges. La valse de l'hiver, dans les tourbillons blancs, sous les gros pullovers, on regarde en flânant cette nature pétrifiée par la neige et le gel et la bise qui ose. On ne voit plus de terre sur cette montagne blanche, au sapin plus de verre, mais les branches qui penchent, tout un monde se repose. Dans les Vosges. Et vous êtes dans l'émission Les Vosges samedi, première diffusion le 16 juin 2018, mais rediffusion au fil de cet été, puisque vous allez pouvoir folâtrer. Ah ouais, on n'est pas obligé de faire des gens traverser le massif en quelques dizaines d'heures. Non, il y en a certains qui s'y collent. Non, on n'est pas obligé de ne voir que les talons de chaussures de celui qui vous précède. Eh bien, prenez le temps de faire, de ne rien faire, pourquoi pas. Simplement, ayez les bons outils. Alors, les bons outils, entre guillemets, eh bien, j'ai dans les mains trois cartes. Eh oui, mais on n'est pas avec des cartes pas de moteur, hein. On est à pied, pourquoi pas à vélo aussi, hein. On peut bien sûr décliner toutes ces découvertes avec des VTT. Vous avez donc un certain nombre de cartes également avec les circuits donc à vélo pour découvrir ce massif vosgien. Alors, si vous voulez avoir un peu de hauteur, il y a trois échelles de grandeur. Vous avez d'abord le 100 000e, au 100 000e. Hein. Donc, c'est le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et là, vous avez tout le massif vosgien au 100 000e qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Bien entendu, vous pouvez aller d'une façon un peu plus précise au 50 000e et sinon au 25 000e. Alors, sachant qu'au 25 000e, 1 cm sur la carte représente 250 mètres, cela signifie qu'au 50 000e, 1 cm représente 500 mètres, et puis au 100 000e, 1 cm représente 1 km sur le terrain. Alors, vous avez la possibilité, avec justement les surcotations donc du club vosgien, de découvrir une partie de ce ballon des Vosges, de ce parc naturel régional du ballon des Vosges, d'une façon plus précise. Et ce massif est décomposé en 5-6 cartes, puisqu'effectivement, au 50 000e, vous avez donc 1 cm qui représente 500 mètres sur le terrain. Alors, j'ai dans la carte, par exemple, et notamment pour la partie Haute-Vosges, route des Crêtes, c'est la carte 6-8 qui représente Colmar-Münster, Honegg-Gérardmer, le ballon des Vosges, et vous avez bien entendu des cartes qui vont plus côté territoire de Belfort et le ballon d'Alsace, et plus côté Épinal, et sinon plus côté Schirmeck-Célestat, voire pourquoi pas en allant vers Raon-l'Étape-Nancy, et bien entendu les Vosges du Nord avec le Bas-Rhin, que ça soit du côté de Strasbourg ou du côté de Sarrebourg jusqu'à Sarreguemines. Voilà, vous avez la possibilité donc ses cartes au 50 000e d'avoir ces différents secteurs. Et celle que j'affectionne plus particulièrement, bien entendu, ce sont les cartes au 25 000e. Ah oui, là, c'est très précis, puisqu'un centimètre sur la carte représente 250 mètres. Et à ce moment-là, on appelle ça les top 25, hein, avec toujours, hein, soyez très vigilants là-dessus, avec toujours la surcotation, donc c'est du club vosgien, c'est l'écusson, c'est sur fond jaune, vous avez une feuille de houx, c'est marqué CV, parce que c'est le club vosgien. Et vous retrouvez sur la carte toutes les indications que vous retrouvez soit sur des poteaux, soit sur les arbres, une signalétique très très précise avec donc des triangles, des flèches de couleurs différentes. Vous retrouvez cette même signalétique sur la carte avec en plus plein d'autres indications. Vous avez aussi toujours bien sûr, on peut réfléchir en mètres et en kilomètres, mais souvent, on réfléchit en minutes, en temps. Hein. Donc, par exemple, tel endroit, tel chalet sera à 40 minutes, puisque c'est pas la même chose si c'est du plat ou si ça monte. Hein. Donc, la plupart du temps, en montagne, les distances sont données en temps pour les parcourir, sachant qu'en règle générale, c'est en gros, disons que selon la difficulté, c'est une marche normale, un peu soutenue, mais sans plus. Voilà, mais vous pouvez prendre 10 fois plus de temps, bien entendu, si vous en avez le plaisir, l'intention de le faire. Personne n'est obligé de faire dans les records en élan pour prendre son temps. Alors, une indication aussi particulièrement intéressante sur ces itinéraires, vous avez des petites maisons, c'est un chalet, ce sont des chalets. Alors, quand le contour est juste dessiné sur la carte, ça veut dire que le chalet est accessible à tous. Ce sont soit des abris forestiers, soit c'est fermé mais pas à clé. Vous avez un fourneau à l'intérieur, hein, parce qu'une petite pluie est toujours possible, hein, ou un orage. Et donc, vous avez la possibilité de vous mettre à l'abri, de vous restaurer dans ces chalets ouvert à tous. Si vous avez la même petite maison mais coloriée à l'intérieur, ça signifie qu'il est fermé. Et vous avez le même dessin avec la possibilité donc la petite maison avec un corps de ferme, ça signifie une ferme auberge. Et pour les fermes auberges, eh bien, je vous en parlerai après une pause musicale interprétée donc en passant par la montagne. Et oui, la pause musicale. Alors, la pause musicale, c'est Leonek, Un soir d'orage. Hein, donc, on apprécie particulièrement de pouvoir avoir cette halte pour pique-niquer. Et quand on mange ensuite, on a des fois des petites envies de pipi. Bon, ben, les petites envies, allez, c'est mes petites passées scatologique. Alors, les petites envies de pipi, ça pose aucun problème. Les petites envies de caca, c'est un peu plus compliqué. Alors, que ça soit pour un mouchoir, parce que voilà, que ça soit pour un caca, tout ça. Bon, quand c'est un mouchoir, quand c'est des autres choses, vous prenez des plastiques. Vous savez, on n'arrête pas de dire, les chiens, il faut ramasser leurs déjections en ville et tout ça. Eh bien, vous prenez ce type de plastique, pourquoi pas, et vous mettez votre petit mouchoir que vous avez utilisé pour vous moucher quoi que ce soit, vous les mettez tout simplement dans ces plastiques et puis vous les ramenez, vous les mettez dans une poubelle là quand vous redescendrez. Bon, pour les bouteilles, pour tout ce que il y a un slogan de Club Auger que j'affectionne beaucoup particulièrement, c'est vous avez pu les monter pleines, vous saurez les redescendre vides. Et puis si vous devez faire, comme on dit, la grosse commission, eh bien vous avez viser des pierres, hein. Vous faites ce que vous avez à faire avec vos papiers, vous recouvrez tout ça de cailloux, hein, et puis vous remettez des branchages, des feuilles, et le temps fera son affaire, mais en dehors de la vue, bien entendu, de ceux qui viendront randonner dans le secteur. Et surtout, ne vous dites pas si c'est un petit papier, parce que en disant, ouais, mais c'est du papier, ça va se déliter. l'humidité avec la pluie. Non, non, ça se transforme en feutre. Et on le voit pendant des mois et des mois, voire des années. Donc surtout, on récupère tout ce que intentionnellement on fait tomber. Ça peut arriver qu'on fasse tomber non intentionnellement quelque chose. Eh bien, le remerciement à la nature, pourquoi pas faire votre petite contribution à l'humanité qui la perturbe beaucoup, cette nature, surtout quand elle y laisse des plastiques. Eh bien, vous mettez tout ça dans un petit sachet et c'est un merci à la nature que vous faites, parce qu'il suffit d'une personne sur 999 qui soit fait tomber malencontreusement quelque chose, soit intentionnellement balance quelque chose, eh bien ça reste pendant des mois, voire des années à la vue et surtout à la pollution de la nature et des bébêtes qui habitent, notamment toutes ces bêtes sauvages qui peuvent ingérer, que ce soit des sachets de barres chocolatées, des trucs comme ça, et qui peuvent leur faire le plus grand dégât à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors voilà, c'est un petit remerciement à la nature. Et puis surtout, eh bien, après cette pause musicale avec En passant par la montagne du côté du Honnec, eh bien, je vais vous causer un tout petit peu de quelques fermes auberges, des bons plans justement pour ne pas avoir uniquement les bruits de moto qui vroom, vroom, vroom, ainsi que les voitures sur la route des crêtes en attendant qu'elles soient déjà à au moins 40 km/h, ce qui n'est pas le cas. Hein. Elle est toujours à 70 km/h. Alors, est-ce que le passage à 80 km/h ailleurs va faire descendre les affaires? Mais rien ne vous oblige de rouler à 70, rouler à 40. Si vous voulez faire de la vitesse, vous les prenez tout simplement, vous prenez les routes dans la vallée et puis là, eh bien, vous ne gênez pas ni la nature, ni ceux qui se trouvent dans ce massif vosgien et qui ont envie d'admirer ces paysages et ces pattes. 70 km/h qu'on les admire. Allez, en passant par la montagne, un groupe du massif vosgien. Oui, il y a des musiciens vosgiens et des musiciens alsaciens. Et tout ça, ça fait partie du Grand Est. Entendre en live, hein, parce que notre CD, et ben voilà. Et nous avons du matériel pro au niveau des radios. Alors moi, ça passe sans problème sur mon appareil bas de gamme. Mais au niveau du lecteur de la radio, eh bien, il est très sensible, comme vous êtes très sensible, effectivement, auditrice et auditeur des Vosges-Samedi, à eh bien, la beauté de ces paysages vosgiens et de ces paysages sonores. Donc, je ne vais pas vous infliger davantage un CD qui fait saute-mouton. Alors, des moutons, on en trouve un peu, mais on trouve surtout ces magnifiques vaches vosgiennes. Et oui, elles sont reconnaissables entre toutes, avec cette raie blanche sur le dos et ses flancs en couleur, alors couleur noire, couleur brune, et surtout ses yeux maquillés, et puis ce museau qui est également en couleur. Vraiment, la vache vosgienne, une vache rustique, qui a eu la vie, sauf grâce à la ténacité d'un certain nombre de paysans Il y a quelques décennies, puisque les effectifs de la vache maugienne étaient à tel point bas qu'elle n'était quasiment pas, qu'elle n'était plus recensée dans, parmi les races officielles des vaches françaises. Alors, dans les mains, justement, pour égayer un peu votre séjour, alors déjà, un certain nombre de guides gratuits, hein, bien sûr, sont disponibles, notamment avec des, par exemple, 100% Vosges, hein, qui vous donnent la possibilité, l'année 2018, c'est donc les événements, les coups de cœur, les insolites et les inédits sur les Vosges. Vous avez également, en lien avec 100% Nancy, c'est un hors-série randonnée 2018, balade nature et patrimoine. C'est particulièrement intéressant. Et puis, vous pouvez, eh bien, si vous avez l'occasion de vous procurer alors différentes documentations concernant les fermes auberges, eh bien, essayez de les compiler parce que les fermes auberges se répartissent côté vosgien et côté alsacien. Et selon les selon l'éditeur, eh bien, vous avez toujours qu'une partie des informations. J'ai par exemple entre les mains guide des auberges de montagne de la Brèche Gérardmer et Haute-Vosges. Donc là, vous avez un certain nombre d'informations que vous, ces guides, cette plaquette, vous pouvez la retrouver dans les différents offices du tourisme. Hein, elles sont gratuites. Alors vous avez également sur la route des Crêtes, mais le versant alsacien. Et puis également donc sur ce qui est important, c'est d'avoir une certaines cartes qui vous permettent de les situer. Et j'ai, alors bien sûr, celui-ci, il n'est pas tout à fait gratuit, c'est un peu moins de 10 euros, 9 euros. Et c'est les fermes auberges en Haute-Alsace. Et vous avez plein d'informations sur la possibilité de vous rendre dans ces différentes fermes auberges. Et je vais vous donner quelques coups de cœur. Hein. Quelques coups de cœur parce que si vous voulez justement ne pas être en contact avec ces bruits de voitures et de motos, eh bien, il faut savoir un tout petit peu délaisser la route des Crêtes. Aller, par exemple, eh bien, sur le secteur, une ferme auberge de Salzbach, hein, qui se trouve direction du Schneffenried. Un peu, donc, c'est une route que l'on prend un peu avant d'arriver au Marstein, entre la Schlurt et le Marstein. Et d'ailleurs, sur cette route-là, avant de tourner sur un chemin de terre après quelques kilomètres après donc c'est ce carrefour au Breitfirth, vous avez d'ailleurs un monument qui est dédié aux animaux, aux chiens de traîneau qui ont dont la vie a été mis largement en contribution et la mort, hélas, pour un certain nombre de centaines d'entre eux, pendant la guerre de 14-18. Et vous avez donc cette ferme auberge du Salzbach qui est en contrebas avec des magnifiques paysages. Également dans le même secteur, en contrebas, donc vous pouvez l'atteindre par un chemin de terre venant de la route des Crêtes ou également par la route qui monte donc du lac de Krut en allant vers le Marstein. Vous avez donc la ferme auberge Schaffer avec également avec cette terrasse qui donne sur les magnifiques secteurs des Hautes-Vosges. Et là, vous n'entendez pas, bien entendu, les vroom vroom particulièrement désagréable à d'autres moments. Alors aussi, eh bien, il y a d'autres secteurs qui sont particulièrement attractifs pour nous autres qui aimons se dépayser au niveau donc de cette de ces fermes auberges. Alors côté vosgien, vous en avez, il y en a pas beaucoup en fait. Hein, côté, enfin si, il y en a un certain nombre, mais vous avez À Saulsure, vous avez donc la ferme auberge Les Prandières, hein, que vous pouvez retrouver à partir de Saulsure. Vous avez également, ça jouxte Gérardmer, hein, mais elle est particulièrement prisée. Donc une ferme auberge de la Mexelle, hein, qui jouxte tout près donc de de Gérardmer. Et puis, vous avez également une ferme auberge. Alors, elle est sur le secteur de Ventron, on va dire. Hein. Et j'en profite pour dire qu'à Ventron, vous avez deux endroits qui sont particulièrement intéressants. Vous avez bien sûr l'auberge du Grand Ventron. Alors là, vous tombez. Je n'ai jamais goûté une omelette aussi goûteuse, excellente, qualité, quantité, prix, vraiment, il n'y a pas photo. Donc, ferme, c'est l'auberge du Grand Ventron. Et toujours sur le secteur de Ventron, mais c'est en direction, donc, au niveau de l'intitulé, c'est sur Fellerin, donc c'est Messa Ventron, c'est-à-dire on passe Ventron et avant de passer le col d'Audrenne, on monte sur la gauche une route forestière, hein, en quelque sorte, et c'est la ferme auberge Felsar, F-E-L-S-A-C-H. Si on continue beaucoup plus loin, on arrive sur le Grand Ventron. Et donc là aussi, vous avez dans un certain nombre de fermes auberges, dont celle d'ailleurs du Felsar, vous avez des chambres, vous avez des dortoirs. Au Grand Ventron, vous avez également, ça fait hôtel en même temps. Ce sont des dépaysements proposés, quelques coups de cœur, mais il y en a des centaines. Et vous avez plein de week-ends dans cette période estivale jusqu'à l'automne, puisqu'en général, mis à part celles qui sont un peu plus bas dans la vallée, eh bien, à partir de l'automne, eh bien, il y a la transhumance du retour vers la vallée pour toutes ces vaches et ces troupeaux qui égaient vos randonnées de leur clarine. Allez, eh bien, moi, je vais égayer cette émission donc des Vosges samedi, première diffusion le 16 juin 2018, rediffusion à d'autres moments dans cette période estivale. Je vous rappelle tout simplement donc les différentes cartes que vous pouvez trouver chez toutes les librairies qui se respectent ou également les magasins de sport. Hein. Ils vous en coûtera en général une bonne dizaine d'euros, hein, 10-12 euros. Donc, grand format, hein, le parc naturel régional des Ballons des Vosges au 100 millième. Sinon, avec les surcotations du club vosgien, vous avez des cartes au 50 millième et les top 25 qui sont au 25 millième. Et toutes ces informations gratuite concernant les randonnées, avec notamment des guides gratuits édités par 100% Vosges, voire 100% Nancy, sur des balades, sur l'année 2018 avec les événements et toutes les informations concernant ces fermes auberges avec ces différents dépliants que vous proposent les différents offices du tourisme, avec ce petit coup de cœur, ferme auberge de Haute Alsace qui coûte 9 euros, mais vous avez plein d'informations non seulement sur les fermes auberges mais également sur l'esprit des fermes auberges et avec toujours le réflexe de téléphoner puisque en général il y a toujours un petit jour de fermeture. Alors voilà, avec Dominique Walter qui nous interprète Que les Vosgiennes sont belles, un grand merci à Thomas pour cette mise en onde. Pour RCN, un grand merci à Marcus également pour cette mise en onde. Pour RGM, un grand merci à vous, auditrices et auditeurs des Vosges samedi, spécial ferme auberge et carte hygiène. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles. Comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de balle.